En l'honneur des footballeuses qui ont gagné la Coupe du monde féminine de moins de 20 ans 2016 FIFA, le comité de direction nationale des sports a offert un banquet le 7 courant au restaurant Oignon à Pyongyang. Y ont été conviés les quatre intéressés, joueuses, entraîneurs et membres de leur famille.